Alain Désiré, Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du Burundi devrait réinstaurer le système de restauration et des hommes universitaires à l'Université du Burundi afin d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Réaction du président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi après la récente tenue du Conseil des ministres qui envisage notamment la revue à la hausse du prêt bourse. Trois chefs culinaires de Buyengero en province Rumonge sont détenus au cachot de la police à Rumonge depuis vendredi dernier. Ils sont accusés de complicité dans le commerce frauduleux du café. Et les services de l'État devraient être démilitarisés et laisser les agents de l'ordre et de l'armée assurer leur rôle de veiller tout simplement à la sécurité du pays. Un appel de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM. Innocent Bimoniman assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM plaide pour la démilitarisation des services de l'État, estimant que la mission des agents de l'ordre et de l'armée est d'assurer la sécurité du pays. Lors d'une conférence de presse animée ce mardi, au moment où le chef de l'État totalise ce 18 juin, 4 ans au pouvoir, Gabriel Rufyiri déplore que la stratégie de 2020 relative à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption n'est pas encore été mise en œuvre. Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM. Toutes ces recommandations sont adressées exclusivement au chef de l'État. D'abord, la mise en place effective de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Burundi ne possède pas de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C'est la raison pour laquelle l'OLUCOM insiste sur la mise à jour de la stratégie qui a été cachée à la présidence. Il y a une stratégie qui a été promulguée parfait Pierre Nkurunziza en 2020 au début, mais cette stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été mise dans les tiroirs de la présidence jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où se trouve cette stratégie. Ça, c'est grave. Personnellement, moi, je suis allé voir le chef de cabinet civil du président. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez ce document? Il m'a dit, moi, je ne connais pas. Alors que le document, c'est un document de politique nationale. C'est pas possible. La corruption, la mauvaise gouvernance dans ce pays est devenue un mode de gouvernement. C'est ce que nous constatons. La deuxième chose comme recommandation, il faut démilitariser les services publics. Aujourd'hui, les services publics sont militarisés. On doit démilitariser officiellement les services publics. Les militaires, les policiers, les travailleurs sont connus. C'est la protection de l'intégrité du territoire et la garantie de la sécurité, mais pas dans le commerce, pas dans les services publics. Il y a des experts pour ça. Dans le monde entier, ça se fait comme ça. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation, la dépolitisation des services publics. Les services publics sont tellement politisés à outrance. Nous voulons que dans les services publics, qu'il y ait des hommes et des femmes qu'il faut au poste qu'il faut. C'est là où on va arriver loin. Éducation à présent, le gouvernement du Burundi devrait réinstaurer le système de restauration et des hommes universitaires à l'Université du Burundi dans le but d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Réaction du président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi. C'est après que le Conseil des ministres est tenu mercredi dernier et décidé d'envisager la revue à la hausse du prêt bourse et la réhabilitation des campus. Désiré Nisubire appelle le gouvernement d'initier une réforme qui permettra de produire un impact positif. Suivez. Ce n'est pas question d'augmenter de l'argent aux étudiants. Ce n'est pas ça le grand problème d'augmenter l'argent du pré-bourse. Mais il faut augmenter les conditions de vie des étudiants. Et on a remarqué que le grand problème pour les étudiants, pour bien suivre les études, c'est généralement les conditions de restauration. Il y a aussi les conditions de logement. Est-ce que si le gouvernement ajoute la pré-bourse, est-ce que les étudiants vraiment vont bien se nourrir? Est-ce que les étudiants vont bien se loger? Est-ce que les étudiants ne continueront pas à vivre les quartiers lointains, donc pour arriver à l'université, ils vont avoir de la peine compte tenu même des problèmes de déplacement. Est-ce que les étudiants ne continueront pas à généralement manger dans les petits restaurants des quartiers où généralement la nourriture n'est pas de bonne qualité, pour dire que ce n'est pas une chose à privilégier? Et si on pouvait demander tous ces gens qui prennent ces décisions, par exemple le ministre qui a amené cette résolution au niveau du Parlement, est-ce qu'il a étudié à l'université du Burundi? Il a vu les conditions dans lesquelles il vivait. Vous savez comment on vivait bien dans les hommes universitaires. Pourquoi ne pas investir dans la restauration et dans le logement? Au niveau des enseignants, nous on propose que ce pas. Il ne faut pas que l'État soit garant de la gestion de ces choses-là, mais il faut que les subventions puissent être données au privé. Parce qu'il ne faut pas ignorer que les services publics sont minés par la corruption. Et les marchés publics, comment ça se donne, on le sait bien. Est-ce que là, alors, si on donnait tout ça à des privés, comme ça se fait dans toutes les universités, le privé doit alors diminuer les prix compte tenu de la subvention qu'il a reçu de la part du gouvernement. Et cela va permettre aux étudiants de bien manger, bien loger dans les hommes universitaires. Désiré Nissoui, il est président du syndicat du personnel enseignant de l'université du Burundi. Des enfants burundais estimés à 400 du camp de transit de Kavimvira au sud de Kivu de la République démocratique du Congo ne sont pas sur le banc de l'école il y a 2 ans et même plus. Leur ménage devrait normalement rester dans ce camp pour une période ne dépassant pas 5 mois en attendant d'être rapatriés dans un autre camp de réfugiés. Leurs parents demandent au commissariat des réfugiés d'intervenir pour le bien de l'éducation de ces enfants. Et au niveau de la Commission nationale pour les réfugiés en RDC, l'on informe que les inondations au sein de la localité ont bloqué le rapatriement vers un autre endroit. Le point avec Jérémy Kouhima. Ces préoccupations ont été soulevées par ces enfants à l'occasion de la journée du 16 juin dédiée à l'enfant africain. Moi, je suis né en province de Cibitoke. Nous sommes ici depuis plusieurs années. On n'étudie pas à cause de la pauvreté des parents. Les HCR ne nous assurent pas la scolarité. Je demande qu'on puisse nous rapatrier dans notre pays. À cause de la famine, nous allons quémander. Nos parents sont venus se réfugier ici. Nous demandons qu'on nous ramène chez nous. Si nous allons dans les camps des fusils, nous pouvons étudier comme les autres enfants. Ou alors, on nous ramène dans notre pays. Les parents, pour leur part, disent ne pas comprendre comment au lieu de 3 à 5 mois, ils sont déjà autour de 2 ans et 4 ans pour les autres, sans être installé dans un camp définitif. Nous, comme parents, c'est une question très épineuse. Nous souffrons ici dans les camps. Nous assistons impuissants au manque de scolarité de nos enfants. Les HCR nous ont abandonnés ici. Ils ne viennent même plus nous visiter. Je demande au gouvernement congolais et notre gouvernement burundais de réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette question. Nos enfants risquent de devenir des illettrés ou même devenir des voleurs. Ça fait plus de 2 ans que les uns sont ici, mais il y en a qui ont même dépassé 4 ans. Et pourtant, dans un cas de transit, on ne pouvait même pas dépasser 3 mois ou 5 mois tout au plus. Les responsables de la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, ville d'Ouvira, n'a pas nié ces allégations, tranquillise en disant que c'est pour des problèmes d'ordre logistique liés. Oui, effectivement. Prenons le cas du centre de transit de Kavivir, où nous avons plus de 2500 personnes. En principe, ils devaient aller au site de Mulongwe, dans le territoire de Fizi. Malheureusement, pour le fait qu'il y a la montée des eaux, c'est la route qui va vers nos patients, c'est il y a baisse des niveaux d'eau qui peuvent permettre à ce que les véhicules traversent facilement, on peut facilement les transférer. Donc, c'est ce qui nous bloque aussi par rapport à ces transferts. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Télévision Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Je vous l'avais dit dans les titres, trois parmi les administratifs à la base de deux collines de la commune Ebouyengueran en province de Rumonge sont retenus au cachot du commissariat provincial de police de Rumonge depuis vendredi dernier. Ils sont accusés de complicité dans le commerce frauduleux du café. C'est après la saisie sur les deux collines d'environ 4 tonnes de café washed et en un confondu, acheté illégalement chez les caféiculteurs Jean-Pierre Misago. Le chef collinaire Kinama, le chef de la sous-colline Buzamana, le chef collinaire de Mudende en commune Ouyengero sont ceux-là, les administratifs retenus à Rumonge. La police les accuse de n'avoir pas dénoncé un achat clandestin du café washed à 1 par des commerçants sur ces deux collines. La police venait en effet de saisir plus de 1400 kg de café washed chez un commerçant de Kinama et à peu près 2500 kg de café washed A1 confondu chez un autre commerçant de la colline Mudende. Ces administratifs, dont les dossiers sont déjà transmis au parquet de la République à Rumonge, sont accusés de n'avoir pas informé sur cet achat clandestin du café, dont le prix d'achat et la destination ne sont pas connus, selon la police de Rumonge, qui les accuse aussi d'avoir averti ces commerçants afin qu'ils prennent le large avant cette fouille. Cette campagne de saisie de ce genre de café s'est poursuivie ce samedi avec la saisie à Guitaz en commune Muhuta de plus de 2600 kg de café washed et environ 50 kg de café washed à Bouyengero. Ce lundi et ce mardi, ce sont des stocks de ce café saisis à Guitaza et à Kabumburi en commune Bouyengero dont le tonnage n'avait pas encore été déterminé ce mardi matin selon la police de Rumonge, qui précise que les enquêtes continuent afin de démanteler ce réseau. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Retournons en mairie de Bujumbura. Certains habitants du quartier 3 de Jabé en mairie de Bujumbura s'indignent que le travail de collecte des déchets ménagers n'est pas exécuté régulièrement. Le chef de quartier indique que cette activité est pour le moment faite à tour de rôle suite à la pénurie de carburant et ses habitants demandent à l'organisation Bujumbura Cleaning Company BCCO d'exécuter correctement son travail au moins deux fois par mois. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Dans certains ménages visités au quartier 3 Jabé, à mairie de Bujumbura, nous y avons trouvé les déchets ménagers entassés dans les sacs. Certains habitants de ce quartier affirment que plusieurs jours viennent de passer sans les enlever. Ceux qui sont chargés d'enlever ces immondices ne le font pas et on ne sait pas pourquoi. Certains aiment que la faute revient à l'administration communale. Pourquoi l'administration communale? Parce que c'est l'administration communale qui fait des conventions, des contrats avec ceux qui ont gagné le marché dans les WC immondices. En ce qui est des immondices, ils les enlèvent, mais pas comme on souhaite. Nous avons par jour des immondices ménagères et s'ils tardent à les enlever, cela peut nous causer des maladies. Sur la route avenue de l'imprimerie, la poubelle publique était pleine de déchets ménagers. Ses habitants demandent que ces déchets soient enlevés pour éviter d'être attaqués par des maladies. Certaines mauvaises pratiques, la population peut prendre quelques sacs et jeter dans la rivière Ntangwa par exemple, ou brûler à chaque coin de la rue. Et là, ça sera finalement une erreur contre l'environnement. Nous faisons appel à monsieur le maire de la ville. Quand ça tarde, ça révolte la population parce que ces odeurs nauséabondes, ces petits êtres vivants qui se déplacent jusqu'au salon, ça fait mal qu'ils viennent enlever ces immondices. Evelyne Nkengo Burundi, chef du quartier 3 Jabé, précise que le manque de carburant est la cause majeure du retard pour le transport de ces déchets. Elle signale que ce quartier 3 Jabé est construit en 4 blocs et 6 biseco. Enlevés dans l'un de ces blocs, cela n'explique pas que ces déchets ne sont pas enlevés. Eriken Sabumukiza, chef de l'association Biseko, lui aussi dit que le manque de carburant perturbe leurs activités, mais tranquillise qu'ils ont eu une station qui va alimenter l'association en carburant. Cette situation se présente ainsi alors que le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, dans une réunion tenue au début du mois de mars, avait demandé à l'association de transporter ces déchets au minimum deux fois par semaine. Jean-Marie Mayonga, parlons commerce à présent. La pénurie des produits d'eau Brarudi qui persiste en province de Kirundo a fait que la plupart des consommateurs ont préféré prendre des boissons en plastique. Certains s'inquiètent des conséquences pour ceux qui en consomment, surtout pour leur santé, car certaines sont beaucoup plus alcoolisées. Ils demandent au gouvernement de bien suivre ces boissons, leur mode de transformation et surtout le dosage en alcool. Abraham Safari. Suite à la pénurie persistante des boissons de Brarudi, la plupart consomment actuellement les jus et boissons alcoolisées en plastique. Certains s'appellent jus de tangawizi, rimau, même si certains parmi les consommateurs confirment qu'il y a un petit taux d'alcool. D'autres sont des boissons alcoolisées comme Rosagara, Caribou, Sapor et d'autres. Selon certains, ces boissons alcoolisées peuvent être source de plusieurs maladies, surtout que ceux qui en consomment perdent connaissance jusqu'à oublier le chemin qui les amène chez eux. Comme nous l'ont signalé les consommateurs de ces produits, ils les préfèrent car ils ne peuvent pas consommer plus d'une bouteille ou tout au plus deux. La population du centre urbain de Kirundo, surtout les intellectuels, demande au gouvernement de suivre de près les usines de transformation de ces boissons et surtout réguler le taux d'alcool contenant dans ces dernières. Suite à cette pénurie de boissons de Brarudi, quatre bistrots au centre urbain de Kirundo ont fermé momentanément leurs portes pour n'ouvrir que quand ces produits seront encore disponible. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La diarrhée est un trouble digestif qui se manifeste par des selles liquides plus de 3 fois par jour. Docteur Eric Ganza explique que la diarrhée peut survenir suite à une intolérance alimentaire ou peut être causée par des parasites, virus ou bactéries. Chronique santé avec Ornella Mucho. La diarrhée est le symptôme d'une infection intestinale pouvant être causée par divers micro-organismes, bactéries, virus ou parasite. Le médecin Eric Ganza explique que l'infection peut se transmettre par le biais de l'eau ou d'aliments contaminés ou peut être aussi à l'origine d'une autre maladie comme le paludisme. Il y a des virus, un ensemble de micro-organismes vivants qui peuvent attaquer un humain, donc le contaminer. Il peut y avoir des virus, il peut y avoir des bactéries, les parasites ainsi que les champignons. Ce sont des micro-organismes que l'on sait qui sont le plus souvent à l'origine de ces diarrhées, mais aussi on peut trouver aussi d'autres maladies associées. Il peut y avoir donc les maladies couramment connues, donc les maladies ici tropicales et aussi infectieuses, que l'on connaît comme le paludisme, la typhoïde, donc maladie de Mansal. Ça peut aussi causer ces diarrhées ainsi. Il peut aussi y avoir des tumeurs qui sont à l'origine de ces diarrhées et aussi d'autres pathologies donc intestinales comme les pathologies inflammatoires. Lorsqu'une personne consomme des aliments qui ne sont pas lavés, donc des aliments qui ne sont pas bien traités, il a tendance donc à développer ses diarrhées. Et s'accompagne de différents signes, notamment les douleurs abdominales et les nausées. Oui, je dirais que les signes sont les mêmes pour les enfants et les adultes. Déjà, une diarrhée, c'est un signe et ça peut être donc un symptôme. Donc, c'est le patient lui-même qui rapporte qu'il a fait une diarrhée. Donc les signes, ce sont ces diarrhées, ça peut aussi être des douleurs abdominales. D'autres signes sont, je dirais, la conséquence de cette perte liquidienne et qui peut entamer au niveau hydroélectrolytique. Par exemple, une patiente qui a ou un patient qui a fait beaucoup de diarrhées, qui a perdu donc des liquides, il peut avoir des céphalées. Il peut avoir un trouble de la vision parce qu'il a perdu une quantité importante au niveau de l'organisme. Il peut aussi avoir des crampes. Donc c'est lié à des pertes des électrolytes et parfois le calcium, mais aussi le chlore ou le sodium. Les groupes les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les personnes immunodéprimées. Il y a un tranche d'âge, donc un groupe d'âge comme les enfants, donc les nouveau-nés, les nourrissons jusqu'à 6 mois. Parce qu'ils n'ont pas d'accord développé, puis les séries immunitaires sont en train de faire le contact avec le milieu extérieur. Donc on sait le plus souvent qu'ils sont le plus touchés. Et aussi on peut parler des immunodéprimés. Donc ce sont des personnes qui ont des pathologies, donc ils ont des tares. Ils peuvent être touchés lorsqu'ils ne sont pas bien suivis ou qu'ils ne prennent pas bien leurs médicaments. Ils sont plus souvent touchés par, je dirais, ces micro-organismes vivants, avant qu'ils n'étaient pas pathogènes, qui se trouvent au niveau des intestins, mais parce qu'à cause de cette tare, donc de cette immunodépression, les micro-organismes qui n'étaient pas contagieux commencent à être contagieux, donc commencent à affecter Donc le patient, parce qu'il est immunodéprimé, et peut se compliquer en cas de déshydratation grave, raison pour laquelle il faut approcher les structures sanitaires pour le diagnostic et le traitement, comme l'expliquera dans notre prochaine chronique santé le médecin Eric Ganza. Et c'est par ici que s'achève cette édition. Innocent Bibonimana a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza.